Check, c'est LRPRCS, clair et précis. Les choses se passent à de esquisses, fallait que ça se fasse. Check. Le mauvais goût domine, du coup y'a des talents qui se gâchent. La prod elle est câline, j'ai les paroles qui fâchent. Montre pas tes canines, on met des coups de poing qui tâchent. Ça roule des mécaniques, plus des rappeurs c'est des tasses. Font de la merde pour de l'espèce, en deux fâches les efface. Je sais pas ce qu'ils espèrent, entre eux et moi je mets de l'espace. Quand ils baissent en estime, ils se demandent on sait qui ce type. C'est A2V qui s'exprime, j'ai prémédité escrime. J'viens rajouter ma touche, c'était systématique. Tu vois flou, tu louches, on t'élimine dans la cinématique. La vie a ses coups durs, équipe solide comme la soudure. Elle laisse des cicatrices, demande à skisse. Gros track qu'on assassine, on fait de la racine. On reste dans le fond pour toucher les racines. A contresens de tout ce que ces bâtards disent. Ça rêve de royalties et la cotise de la SACEM. A deux vesquises, la bonne surprise. Deux bons NC, non qui ne lâche pas prise. A deux vesquises, skis et A2V. Les cartes précises. A2V esquise, skis et A2V, les cartes précises. Précise, c'est pas d'à peu près. Alliance exquise, exquise, à pas les teutrés. On les méprise, méprise, chacun son reflet. A2V esquise, skis et A2V, les cartes précises. Précise, c'est pas d'à peu près. Alliance exquise, exquise, à pas les teutrés. On les méprise, méprise, chacun son reflet. Bah ouais, gros, chacun son reflet. Chacun son reflet. Chacun son reflet. Elle est belle et bien finie, l'époque du rap conscient. Ils ont oublié les bases, mais nous on a ça dans le sang. Non, le son n'est pas dans le sang. Poto, j'avance pas dans le sens. Moi je suis venu plier la prod, pas besoin que l'on m'encense. Pas besoin de reconnaissance, pas besoin que l'on me suce. Excuse mon vocabulaire, mais j'ai des rimes bloquées dans le plexus. Faire plus, c'est le but, mais j'attends rien de plus. Non, j'attends rien de plus. Avec tous ces nouveaux MC, c'est plus du rap, mais c'est des petites chansons. Comme Tago, ils ont les formes et c'est des puits sans fond. Ils prétendent rompre leur chaîne, mais se les mettent au cou. Le peu de respect qui me restait destiné au cas de mon crew. Les mecs s'en foutent du sens et de la structure. Moi je rappe mes cicatrices avec des points de suture. Bref, t'as capté, je deviens blasé. Si tu voulais juste ambiancer, bah tu pourras repasser. Eh ouais, t'as capté, je deviens blasé. A2V esquise, tu pourras repasser. A2V esquise, skis et A2V, les cartes précises. Précises, c'est pas d'à peu près. Alliance exquise, exquise, à pas les teutrés. On les méprise, méprise, chacun son reflet. A2V esquise, skis et A2V, les cartes précises. Précises, c'est pas d'à peu près. Alliance exquise, exquise, à pas les teutrés. On les méprise, méprise, chacun son reflet.